confiné. J'emmerde les fascistes et les macronisés. Je n'ai ni dieu ni maître, ni drapeau ni patrie. Je dégueule mon mépris sur la grande bourgeoisie. À poil dans mon futal, j'ai dégainé mon flingue. Je tire sur le capital, sur cette vie de dingue. Après des mois de placard, je retrouve la rue. Mes rêves et mes cauchemars, ma vie de chien est perdue. Aux flics qui m'ont cogné, je dédie ma souffrance. Aux gens qui m'ont aimé, je leur offre l'errance. Sans amour et sans joie, j'attends le Père Lachaise. Je suis en mal de toi, du haut de la falaise. Comme un oiseau blessé, je me jette dans l'espace. Je suis un mal aimé, je suis bon pour la casse. Les clameurs se sont tues, la mort me va si bien. Là-haut sur la montagne, je vois un ange gardien. La déconfinée sur une scène de hasard. Je suis ressuscité, il n'est jamais trop tard. Les Indiens sont nombreux, on partage la tendresse. On fait le plein d'amour, c'est mieux que la tristesse. Je vous aime très fort et je baise mes mots. C'est un amour à mort, ce qu'il y a de plus beau. Je me noie dans les larmes d'une joie retrouvée. C'est un adieu aux armes qui sent l'éternité. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine, à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de ma mélancolie.